Alger. L'affaire dite des fourrages, à laquelle quelques journaux ont donné des proportions ridicules, est terminée par la mort du principal coupable. Le sieur Johann Wisch s'est tué dans sa prison et son complice est en fuite, mais il sera jugé par contumace. Wisch, ancien fournisseur des armées, était un honnête homme, très estimé, qui n'a pas supporté l'idée d'avoir été la dupe du sieur Chardin, le garde-magasin en fuite. Et au Fait Paris, on lisait ceci. Monsieur le maréchal ministre de la guerre, pour éviter à l'avenir tout désordre, a résolu de créer un bureau des subsistances en Afrique. On désigne un chef de bureau, Monsieur Marneff, comme devant être chargé de cette organisation. La succession du baron Hulot excite toutes les ambitions. Cette direction est, dit-on, promise à Monsieur le comte Martial de la Roche-Hugon, député, beau-frère de Monsieur le comte de Rastignac. Monsieur Massol, maître des requêtes, serait nommé conseiller d'État et Monsieur Claude Vignon, maître des requêtes. De toutes les espèces de canards, la plus dangereuse pour les journaux de l'opposition, c'est le canard officiel. Quelque rusés que soient les journalistes, ils sont parfois les dupes, volontaires ou involontaires, de l'habileté de ceux qui, de la presse, ont passé, comme Claude Vignon, dans les hautes régions du pouvoir. Le journal ne peut être vaincu que par le journaliste. Aussi doit-on se dire, en travestissant Voltaire, « Le Fait Paris n'est pas ce qu'un vain peuple pense ».